Bonjour à tous, très chers auditeurs, bienvenue sur Radio Gémozo, pour l'instant santé bien-être avec les secrets de Mathilde. Et s'il existait un lieu où l'on puisse à tout moment trouver détente et repos, où l'on puisse se recentrer et refaire le plein d'énergie et de santé? Avouez que cela semble trop beau pour être vrai. Et pourtant, ce lieu idéal existe. C'est la forêt. Penser à son atmosphère et d'instinct nous sentons qu'elle nous est bénéfique. La plupart d'entre nous ont déjà éprouvé l'effet régénérateur d'une promenade en forêt. Or, la science a désormais confirmé ce que les amis de la nature ont toujours su. La forêt nous fait du bien. Les recherches récentes ont montré qu'elle favorise la sérénité, l'optimisme, les sentiments positifs et qu'elle a des propriétés médicinales nombreuses et variées dont profite l'organisme humain. Passer du temps sous les arbres fortifie le corps et renforce le système immunitaire, fait baisser la tension et le taux d'hormones du stress. À partir de la classique promenade en forêt, les médecins japonais ont développé depuis fort longtemps une méthode reconnue de gestion du stress qui associe à merveille plaisir et effet thérapeutique. Le Shirin-yoku. En français, cela signifie « bain de forêt » ou encore « sylvothérapie ». Le principe est celui d'un moment de détente vécu en pleine conscience dans cet environnement relaxant qu'est la forêt. Ce beau concept de bain de forêt est basé notamment sur la découverte de substances appelées phytoncides, qui sont bénéfiques pour la santé et représentent en grande quantité dans l'air de la forêt. Ces molécules odorantes que les arbres libèrent pour se protéger des parasites ont d'étonnantes propriétés médicinales sur les humains. Au Japon, ils sont convaincus de l'efficacité de la méthode au point que les bains de forêt réguliers y étaient recommandés dès 1982 par l'Agence des forêts. Ils étaient officiellement reconnus comme faisant partie de la médecine préventive et les médecins les prescrivaient même sur ordonnance à leurs patients. Alors profitons de nos belles forêts vosgiennes. Ce qu'il y a de génial avec les bains de forêt, c'est que absolument tout le monde peut en bénéficier car cela ne nécessite pas d'équipement, ni de connaissances et ni de conditions physiques exceptionnelles. Peu importe que l'on y aille pour se promener, ramasser des champignons ou simplement admirer le paysage, dès que l'on est en forêt, ça y est, le pas décisif est franchi. On respire un air pur, riche en oxygène et en phytoncides. On permet à l'environnement salutaire d'agir sur nous et de nous faire du bien. Un véritable cadeau pour le corps, l'âme et l'esprit. La forêt doit agir en nous pour nous redonner accès à nous-mêmes. C'était l'instant santé bien-être avec les secrets de Mathilde, naturopathe. Si vous souhaitez prendre rendez-vous pour un coaching en naturopathie, contactez-moi au 06 43 98 05 66. On se retrouve vendredi prochain à 8h et à 13h30. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et n'oubliez pas de profiter de nos belles forêts. À bientôt !